retrouvez Damoiseau en diffusion sur CKRL. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Bonsoir, Gentiane Lafrance. Bonsoir, Myriam Leland. Comment vas-tu cette semaine? Ça va bien, ça va bien. Nous sommes encore au parc. Parc Marquette, oui. Pour enregistrer l'émission pour vous un peu à l'avance, parce que le studio est confiné. Oui, exactement. Ben, puis ça nous fait plaisir aussi de se voir en plein air comme ça, avec le beau soleil en plus. Les hélicoptères. Tout ça, tous les bruits de la nature et de la ville. Gentiane, tu nous parles de quoi ce soir? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du collectif Printemps 2020 qui est présenté à la Galerie 3 actuellement. Ça se termine samedi et c'est vraiment une très, très belle exposition. Là, on l'a déjà dit à l'émission, l'approche un peu commissariale de la Galerie 3 dans leur collectif d'artistes est toujours bienvenue. Et puis ici, ils font un clin d'œil, si on veut, ils évoquent la situation dans laquelle on est, qu'est-ce qu'on peut vivre en confinement. Alors, on s'en reparle un peu plus tard. Oui, moi, j'ai découvert une artiste que je ne connaissais pas, qui est Martine Chartrand, qui est une cinéaste, une peintre aussi. Puis, je l'ai découvert, en fait, par un court-métrage qui est sur le site de l'ONF, qui s'intitule « Âme noire », qui date quand même de 2000, mais qui est d'actualité par son sujet. J'ai hâte d'en parler aussi. Puis, tu nous fais une belle entrevue aussi en deuxième partie d'émission. Tout à fait. Cet après-midi, je vais rencontrer Jean-Pierre Morin. Je me déplace à son atelier sur la rue des Sables à Limoilou pour parler avec Jean-Pierre de tout et de rien, de qu'est-ce qui se passe dans son atelier, de comment c'est passé, parce que c'est un artiste qui travaille au quotidien, donc à tous les jours, il va à l'atelier. Donc, on va voir un peu ce qui s'est passé dans son atelier en période de confinement. Et Myriam, de ton côté, c'est toi qui fais la sélection musicale cette semaine. Ben oui, je me suis fait plaisir. J'ai découvert une playlist Spotify qui est faite par l'organisme Black Montreal Business, que je suis sur Instagram. Et la playlist nous fait découvrir des artistes noirs montréalais. Et c'est sur cette playlist-là que j'ai découvert Clairel, qui est un Montréalais d'origine camerounaise, qui a aussi vécu aux États-Unis. C'est là qu'il a appris la guitare acoustique. Et c'est à Montréal qu'il a fait ses débuts sur la scène. Et c'est ça qui lui a donné l'idée, en fait, de faire ses propres compositions et de faire son premier EP qui s'intitule « Songs from Under a Guava Tree ». Et on se laisse tout de suite pour une pause audio de Clairel qui s'intitule Lonely Dance. On écoute ça. Lonely, lonely, don't wanna do the lonely. Lonely, don't wanna do the lonely. Lonely, don't wanna do the lonely. Lonely, don't wanna do the lonely. Got no time for a date, I'm always away. No getting coffee for me, I'm way too busy. I've gotta make that money, got some bills to pay. Too many rabbits to chase and no time to play. It's a life of misery, I chose it. There's nothing else to worry, I'd rather be doing. Still inside there's something I'm missing. I never used to mind, but I can stand it. Certainly I have made very well for myself. A mansion with a name, silverware on my shelf. But how could it replace loving somebody else? Don't wanna do the lonely dance tonight. I used to think of love as a waste of my time. I sought to rise above, chasing riches and died. But that was all before you entered my life. Don't wanna do the lonely dance tonight. Don't wanna do the lonely dance tonight. Don't wanna do the lonely dance tonight. Don't wanna do the lonely dance tonight. Don't wanna. De retour à l'aérospatial, j'entienne la France avec vous, accompagnée de Myriam Leland. Et Myriam, moi j'avais envie de te parler de ce qui s'est passé dans ma vie en fin de semaine. Je suis allée à la Galerie 3. Oui, j'ai hâte que tu m'en parles. On en a touché un mot la semaine dernière, puis ça a piqué ma curiosité. Mais j'avais entendu de très bons commentaires sur cette exposition et c'est confirmé. Tu nous confirmes ça aujourd'hui. Alors, on vous confirme ça en direct à l'aérospatiale, en différé, pardon. Donc, c'était Norbert Langlois qui était à la galerie pour m'accueillir et il m'a expliqué que ça a été quand même assez organique comme idéation d'exposition collective. Pour le commissariat. Pour, oui, c'est ça. Donc, on a 15-20 artistes là, de la galerie qui sont présentés au sein de cette exposition qui s'appelle tout simplement Collectif Printemps 2020. Et le point de départ qui a été un peu là, qui est autour duquel s'est construit une des deux parties de l'exposition, parce que c'est une exposition en deux temps, c'est une œuvre de BGL qui s'appelle La Bourrasque, donc qui est exposée pour une première fois. C'est une maquette de bois qui date de 2000. Okay. Donc on est vraiment dans du jeune BGL. Ben oui, c'est ça, mais qu'on n'a jamais vu. Oui, ben en fait ce que Norbert Langlois m'expliquait, c'est que c'est une maquette qui avait été réalisée pour un projet d'art public qui devait avoir lieu dans des parcs à Montréal. Finalement, le projet n'avait pas eu lieu, donc c'est une œuvre interactive. On est dans le gossage de bois, là. Donc on est vraiment dans les débuts de BGL. Le jeune BGL. Oui, le jeune BGL. On est dans le gossage de bois. C'est un avion à hélice avec l'hélice qu'on peut faire tourner. OK. Et qui active un mécanisme qui fait que le pilote de l'avion lève le bras et il fait des petits saluts. On rit. Donc on a cet humour très ludique, très enfantin. Ça fait penser au petit mécanisme de jardin avec des virevents, oui, justement, qui font tourner les pattes de personnages. Oui. Et donc une belle œuvre très très très joyeuse. Et là je disais c'est une exposition en deux temps, dans deux salles. Et donc cette œuvre a été un peu le point central autour duquel la salle que j'appellerais lumineuse, donc autour duquel le corpus de cette salle-là a été construit. Et c'est assez intéressant parce qu'on a cet avion-là de BGL en plein centre. Et autour, on a des œuvres qui vont évoquer les airs, ça flotte, c'est aérien, on se retrouve dans le ciel. Donc, par exemple, on va avoir, si on se place d'un côté derrière cet avion de BGL, on va avoir des nuages réalisés en mosaïque de camaïeu vert ou rose par Mathieu Valade. De l'autre côté, on va avoir pour Thierry Arcambossé une très petite peinture qui est comme une vue en plongée d'un long bâtiment entouré d'arbres. Et avec une ambiance verte là, qui va évoquer un peu les lunettes de vision nocturne okay. infrarouge. Ouais. On est un peu dans les ambiances inquiétantes à la Thierry Arcambossé. Mm-hmm. Un peu plus loin, on va retrouver une de ces spirales chaotiques, noires, légères de Jean-Pierre Morin. Donc, on pourrait penser à une tornade ou un ouragan. Tout près, des cônes bleus qui flottent sur une surface aqueuse de Julien Boilly. Donc, quand je parle de surface aqueuse, on est vraiment plus dans la déconstruction, là. Mm-hmm. Et donc, tout autour, là, je n'en nomme que quelques-unes de ces œuvres-là, mais tout autour, on a vraiment des éléments aux teintes claires, vives, pastels, des paysages figuratifs ou des paysages abstraits. On a un vieux Dan Brough avec absolument aucun élément figuratif. Ah ouais. Et une composition, évidemment, on est dans Dan Brough, une composition qui flotte. C'est sa démarche. Oui, c'est ça. Une composition tout en légèreté, mm-hmm. en accumulation en même temps. Donc, un beau corpus qui a été rassemblé. Et l'idée qui se cache un peu derrière ce corpus-là, c'est d'évoquer le besoin d'évasion qu'on vit en ce moment. Mm-hmm. Le besoin de rêver, le besoin de... C'est comme si on visualisait un monde meilleur, quelque chose qui est vraiment nécessaire actuellement. Mm-hmm. Mais de l'autre côté, dans la salle sombre, que je l'ai nommée la salle sombre... Oui, je me doutais qu'il y avait un petit contraste quand t'as parlé de salle lumineuse. Donc, la salle sombre, c'est là où on entre dans la galerie. C'est là où on est accueilli. Mais tu sais, c'est sombre, ça peut sembler pessimiste, mais on évacue surtout pas un aspect humoristique ou contemplatif. OK. Qui peut se révéler là. Dès qu'on entre dans la galerie, on se fait accueillir par un rouleau de papier de toilette. Donc, tiens. Ça donne le ton quand même. Ça donne le ton. Oui, quand même. Donc je dis on évacue pas l'humour. Ben donc, oui, c'est un incontournable de cette de ce confinement là. Ça date de 2015, c'est une œuvre de Daniel Barrow. Donc on va sortir des vieilles œuvres qui viennent entrer en dialogue avec la situation mm-hmm. actuelle qu'on rend d'actualité oui. avec le commissariat. Exactement. Et une des œuvres que je dirais qui entre le plus peut-être en dialogue avec la situation actuelle, c'est l'œuvre de Doyon Rivet qui date il y a quand même un certain temps. Là, moi, je me souviens de l'avoir découvert à Manif d'art. Je me souviens plus quelle édition, mais elle date de 2008 et c'est le siècle des Lumières. C'est un montage sur fond noir avec des tout petits visages éclairés par leur écran cellulaire. Oui, ouais. Donc on pense à toutes nos réunions Zoom. On pense à oui, on pense à comment actuellement tout se passe par l'écran oui. ou presque. Ouais. Ben là on commence un peu à sortir, ouais. mais au début. Les revendications aussi justement pour la survie des arts vivants. Oui. Qui ne peut pas que se passer en ligne. Exactement. Oui, ça rend ça vraiment d'actualité en effet. Et je trouve qu'il y a une très très belle cohérence dans le corpus du fond de la galerie. Dans ces, donc, on a un rassemblement d'œuvres plus photographiques où les clairs-obscurs dominent. Donc, on a un diptyque ou un duo de Claudie Gagnon d'appropriation donc des clairs-obscurs, évidemment, avec des personnages intrigants qui réfèrent à certains éléments de certaines scènes de l'histoire de l'art qui côtoient un magnifique Annie Baillargeon, évidemment. Dévoilement où on voit des membres sortir d'une espèce de membrane de tissu noir où les drapés sont très rigides et aussi parmi celles-ci, juste en face de l'œuvre d'Annie Baillargeon, il y a une œuvre qui s'appelle Les Illusions Utiles d'Amélie Proulx qui date de 2016, mais qui est une photographie d'une de ses œuvres de céramique. Et on a comme une ovale noire au centre où un trou est percé parmi des éléments de céramique qui semblent être des moulages de papier bulle rond. Et il y a vraiment quelque chose de mystérieux dans cette photographie-là. On dirait quasiment que la lumière émane des objets. Et puis il y a ce trou noir profond qui, avec la vitre de l'œuvre, devient un miroir. Vous savez, quand on est devant une œuvre montée avec une vitre et qu'il y a des éléments sombres, on se voit, oui. On se projette dans l'œuvre. Donc, il y a ce côté-là, un miroir noir, miroir sans teint, donc de réflexion et d'auto-réflexion. Oui, c'est ça, d'introspection. Ouais, vraiment une très, très belle exposition à la Galerie 3 que je recommande. Vous pouvez aller la voir d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Ça se termine samedi le 15 juin. Et... c'est ça, on va prendre une petite pause. Oui, une pause musicale avec la piste Blackstone, toujours de l'artiste Clairel de Montréal. Well, time will help us underline the happy chapters. Now I can't help but see the line you're ever after. No, no, I've no desire to carry on all by my lonesome. I'm just a black stone on the road. When all is said and done, that's the way it goes. But what about the way you held my hand? The way our fingers seemed to lock so perfectly. The way I felt at ease in your silence. Don't tell me all the dreamy nights were just a dream. Now I think about it, we could have been so much more. De retour à l'aérospatiale, nous venons d'entendre un extrait de la pièce Blackstone de Clairel, une sélection musicale de Myriam Leland cette semaine. Et Myriam, tu as découvert le court-métrage Âme noire de Martine Chartrand, qui est visionnable gratuitement sur le site de l'ONF. Et puis, qu'est-ce qui t'a motivé à nous parler de ce film-là aujourd'hui à l'aérospatiale? Ben, en fait, c'était un peu une découverte de paresseuse, mais une belle découverte. J'étais sur Facebook un soir, sans but, à défiler mon fil d'actualité. Oui, comme on fait beaucoup. Comme on fait beaucoup ces temps-ci. Ces temps-ci. Puis, j'ai eu cette recommandation-là, ce film-là. Puis, l'image fixe, la vignette du court-métrage m'a interpellée. Je trouvais que c'était des belles couleurs. Puis, le titre aussi, en noir, avec les sujets dont on a discuté la semaine dernière, ma tentative de découvrir un peu plus d'artistes afro-québécois. Et puis, c'est une technique de peinture sur verre. Donc, c'est ça qui a donné le rendu très, très coloré et qui a attiré ton œil. Exactement. C'est vraiment ça. Je l'ai écouté tout d'un bout avant de prendre des notes pour vraiment avoir une idée de ce que c'était. Et c'est ça. Martine Chartrand, c'est une peintre sur verre, mais qui le fait spécifiquement pour la caméra. Donc, c'est un film qui est fait sous la caméra. Donc, c'est vraiment peint en temps réel, si on peut dire ça comme ça. Donc, peint sous la caméra sur des plaques de verre. C'est une technique qu'elle a appris en Russie. Un petit peu plus sur Martine Chartrand, justement. C'est une réalisatrice et une artiste visuelle québécoise d'origine haïtienne qui est née à Montréal. Puis, après avoir vu le film « La vache » d'Alexandre Petrov, qui est quand même un classique dans le milieu de l'animation. Elle décide d'apprendre le russe, d'aller en Russie, d'apprendre à faire ça. Ça, c'est du croisement interculturel assez intense. Oui, vraiment. C'est ça. Puis c'est suite à ce stage-là, si on peut dire ainsi, en Russie, qu'elle a appris, maîtrisé la technique et elle a fait le court-métrage « Âme noire » qu'elle a commencé en 94, de ce que je voyais sur, j'ose le dire, sur Wikipédia. Puis en fait, je me suis fiée à la page Wikipédia sur Martine Chartrand parce que le collectif Art and Feminism, qui est un collectif en fait qui prend en charge justement des pages Wikipédia de femmes artistes qui ont été oubliées pour s'assurer d'avoir des pages Wikipédia qui sont bien documentées. Et en 2013, si je me rappelle bien, le collectif Art and Feminism avait fait un événement à la BANQ et c'est lors de cet événement-là que la page Wikipédia de Martine Chartrand avait été montée et révisée. Donc, je vous invite à aller le voir. C'est très complet. On a un petit extrait de sa biographie que j'ai bien aimé lire. Donc, on y parle d'Âme noire, qui est le court-métrage dont je vous parle aujourd'hui, mais aussi d'un autre court-métrage qui s'appelle Macpherson, qui est super intéressant. Je connaissais pas du tout cette histoire-là. En fait, c'est un immigrant jamaïcain qui est Frank Randolph Macpherson, qui a émigré au Québec et qui s'est lié d'amitié avec Félix Leclerc. Oh, moi non plus, je n'y arrive pas. Ben non, c'est ça. Puis le court-métrage, en fait, dans le même style qu'Âme noire, avec des belles couleurs chaudes, des belles couleurs café, parfois des bleus très éclatants, mais surtout des couleurs terreuses, un peu comme ça, mais très chaudes. On voit cette amitié-là qui se lie entre Macpherson et Félix Leclerc. Et il serait dit que Macpherson serait tombé en amour avec une des sœurs de Félix Leclerc. On voit un peu ça illustré dans le court-métrage. C'est vraiment très beau. Puis parlant du court-métrage, justement, en noir, plus précisément, je vous parle un peu d'un point de vue culturel, biographique, mais d'un point de vue visuel, d'un point de vue esthétique, c'est magnifique. L'histoire aussi est très belle. Il y a pas de narration comme telle, c'est seulement du bruitage ou de la musique. Ça commence avec une voix de femme qui chantonne un peu, puis on en comprend des images que c'est un petit garçon noir qui a été dans une bagarre avec d'autres petits garçons blancs. On voit pas la raison, mais on se doute bien de ce que ça peut être, puis qu'il retourne chez lui auprès de sa grand-mère et sa grand-mère lui raconte l'histoire des Noirs, l'esclavage, l'immigration, les personnages importants. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait une genre de mise en abîme de toutes ces souffrances-là desquelles on retire des bénéfices grâce à notre privilège, parce qu'on voit la grand-mère se servir un café, mettre un cube de sucre dedans, avoir des vêtements de coton. Ce sont toutes des choses auxquelles on a accès à cause de cet historique d'esclavage-là. Mm-hmm. Puis, c'est bien mis en parallèle avec les images que Martine Chartrand peint et filme, parce qu'on voit justement des beaux tableaux d'esclaves dans les champs de canne à sucre, puis qui se transforment avec des belles vagues de couleurs qui deviennent le cube de sucre qui tombe dans la tasse de café. C'est magnifique, vraiment. Là, j'ai adoré l'écouter. Puis souvent, comme quand je vous présente des œuvres vidéo, ben je l'ai réécouté 2-3 fois par pur plaisir. C'était vraiment un beau court-métrage qui vaut la peine d'être vu. C'est seulement 9 minutes en plus, donc c'est assez facile de scroller en bon français sur Facebook, de tomber dessus puis de prendre le temps de l'écouter. Puis je suggère aussi d'aller écouter Macpherson parce que ça aussi c'est vraiment vraiment un beau court-métrage. Mais il faut le dire, le site de l'ONF, c'est une mine d'or. Vraiment, un coffre au trésor, littéralement. Je découvre tout le temps des belles choses. Puis, comme je l'ai dit, c'est un court-métrage qui date de 2000. Donc, ça fait longtemps, là, ça fait 20 ans quand même. Mais toujours d'actualité. J'ose dire malheureusement parce qu'on a encore besoin de faire beaucoup de travail au niveau du racisme, mais c'est génial d'avoir un site comme ça qu'on peut consulter puis de réactualiser des œuvres, un peu comme tu le mentionnais avec le commissariat qui a été fait à la Galerie 3. C'est vraiment bien de pouvoir réactualiser des œuvres comme ça qui ne perdent pas en pertinence, au contraire, qui en gagnent avec les années, je trouve. Ben, c'est esthétiquement parlant, c'est la grande force des bonnes œuvres d'art aussi, de pouvoir être vues au travers du temps avec un regard différent, un regard actualisé et de toujours avoir cette force-là. Cette force évocatrice, cette force poétique. Oui, vraiment, c'est vraiment intéressant de pouvoir regarder ça avec un œil différent. Puis, Martine Chartrand, j'étais très heureuse de la découvrir, puis j'étais très étonnée de ne pas la connaître, en fait, parce que c'est vraiment un pilier de l'animation au Québec. Puis, faut le dire, le cinéma d'animation est très très fort au Canada, oui. Mais il est peu connu. Très peu. C'est un médium qui est peu connu parce que bon, c'est associé à l'enfance, c'est associé à des éléments classiques comme le manga ou des choses comme ouais. ça. Mais l'ONF est un foyer incroyable de production de films d'animation. Oui, vraiment. J'en découvre tout le temps, toutes les semaines que je trouve vraiment magnifique. Celui-là, c'est une des plus belles découvertes que j'ai fait. Puis Martine Chartrand, ben, continue en fait de donner des conférences, des cours parce que c'est vraiment devenu un maître en peinture sur verre là après son stage en Russie puis avec ses deux courts-métrages qu'elle a fait c'est vraiment devenu un pilier, je réutilise ce mot, un pilier dans l'animation de la peinture sur verre à travers le monde, même je dirais pour la peinture sur verre. Donc je suggère vraiment d'aller regarder ça, on va partager le lien vers le lien de visionnement sur le site de l'ONF pour que vous puissiez aller le regarder. Et c'est vraiment bien fait parce qu'il y a toujours des hyperliens dans les pages. Donc, on peut cliquer sur le nom de la réalisatrice et aller voir ses autres courts-métrages, les sujets, etc. Oui, ils ont beau travail aussi sur le site de l'ONF d'étiquette, donc d'aller chercher par différents sujets. Puis, ils propose aussi des regroupements thématiques souvent qui sont liés à l'actualité ou une belle découverte à faire. Tout à fait. Arme noire de Martine Chartrand. Oui. Merci beaucoup Myriam Leland. Ben merci à toi. Pour l'instant, on se laisse pour la pause publicitaire et en deuxième partie d'émission, on t'entend Jean-Tienne une autre superbe visite d'atelier avec Jean-Pierre Morin. Oui, j'ai bien hâte. Je suis un disque. Oh là là là, C-K-R-L. Mais c'est magnifique. Je suis une voix. .qc.ca. Ici Raymond Poirier, animateur de La Vie en BD. Ce vendredi 12 juin, nous poursuivons une série de rencontres bien spéciales, les rencontres du 9e type. Réalisées conjointement avec l'équipe de Québec BD, diffusées sur les ondes du 89.1 et sur le web, ces rencontres vous amèneront à explorer de façon détaillée des pans de l'œuvre d'auteurs BD du Québec, d'Amérique du Nord et d'Europe. Cette semaine, on vous propose une heure d'échange avec Maryse Dubuc, autrice sur la populaire série Les Nombris. C'est un rendez-vous ce vendredi à 17h30. Au Québec, les rassemblements extérieurs à la maison de 10 personnes maximum sont maintenant autorisés. Gardez en tête que les mesures comme se tenir à 2 mètres, se laver les mains et tousser dans son coude s'appliquent toujours. Malgré le temps chaud, il faut garder la tête froide, car le virus est toujours présent. Planifiez vos rassemblements de manière sécuritaire. Par exemple, pensez à nettoyer les surfaces communes et à identifier verres et assiettes. Ensemble, on peut tenir tête au virus. On lâche pas, on continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Olinéo lance en 2020 un tout nouvel EP. Triple I, disponible en ligne dès maintenant. C'est quoi le plan aujourd'hui? La vie normale reprend son cours. Quittez votre sofa immédiatement. À un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Avec eux, on retrouve nos habitudes. On risque de tomber en amour. Lundi, ça vaut le coup. Mardi, moi je mange. Mercredi, format familial. Et jeudi, l'indice McSween. C'est presque aussi bon qu'une chanson. Le monde entier respire un peu mieux. Oui! Dossier réglé. Découvrez nos magazines du lundi au jeudi, 19h30. On regarde ça. Et tout le temps sur téléquébec.tv. Contribuez sur laruche.com au financement de Global Planification Santé. Global Planification Santé se spécialise en confection de boîtes à lunch, produits du terroir, consultations santé et de produits naturels. Retrouvez une gamme de produits à notre nouvelle boutique tels que des huiles essentielles, des vitamines et minéraux, produits alimentaires et produits ménagers biologiques. Pour son ouverture le 1er juillet, Global Planification Santé va offrir des repas prêts à manger. Plats chauds, sandwich, salade repas, smoothie et jus fraîchement pressé. Planificationsanté.com. Vous êtes artiste et vous vous sentez isolé, privé de spectacles et de public pendant le confinement? CKRL veut vous entendre. Que ça soit pour une interprétation d'une minute à une session plus longue, CKRL veut diffuser votre prestation confinée. Quel que soit votre art, pourvu qu'il puisse s'entendre à la radio, ne tardez plus et inscrivez-vous sur ckrl.qc.ca. Retour à l'aérospatiale et Jean-Tienne La France au micro avec vous et je me suis déplacée dans l'atelier de Jean-Pierre Morin. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Tienne. Merci de m'accueillir ici dans ton atelier. Ça me fait très plaisir. Sur la rue des Sables à Québec, un endroit magnifique, lumineux. Pour une part de l'atelier, ici on se trouve dans le backstore. Oui, la mezzanine. La mezzanine, ça me semble être un espace de dessin, de préparation, de lecture aussi. On a une bibliothèque. Oui. Et dans l'espace en avant, avec une grande porte, là, c'est plus les grosses pièces. Là, oui, c'est là que le travail physique se réalise. Mais j'ai l'impression que l'espace ici, avec les grandes fenêtres, est quand même une belle source d'inspiration pour toi, Jean-Pierre Morin. Oui, absolument, absolument. Tous les matins, quand j'entre ici, j'allume pas toujours les lumières. Je prends quelques minutes juste pour m'imprégner de l'espace. Et il y a, par une des fenêtres, on voit... La vapeur qui s'échappe de la cheminée de la... d'Ashawa. Ouais, d'Ashawa, ou maintenant c'est Whitebus, je pense. Oui. Et ce gros panache de vapeur-là m'a longtemps intrigué, puis ça m'a même conduit à faire des sculptures qui s'inspiraient mais de oui, ça. Mais oui, t'en parles, Jean-Pierre Morin, puis j'ai l'impression que je peux le ressentir, ce nuage-là, dans certaines de tes œuvres. Oui, entre autres, la sculpture qui est Trombe, qui est devant le Musée des Beaux-Arts. Oui. Ouais. Donc, une base très, très, très, très fine, ouais. et un sommet très, très massif, très ouais. dominant, ouais. mais avec la vapeur, il y a quelque chose de très léger, ouais. alors que Trombe, c'est une masse. Oui, c'est une masse, mais qui a quand même un caractère un peu immatériel, là, parce que c'est... c'est illogique d'avoir une forme qui a une grande masse dans sa partie supérieure et très mince près du sol. Ça vient comme créer une tension, à savoir est-ce que ça va tenir, est-ce que c'est solide, l'idée que je voulais avoir au départ, c'était de faire une forme qui donnait l'impression de se détacher du sol, comme si elle allait se une couper. Élévation. Ouais, ouais, ouais. Un peu comme ces espèces de lampes de lave des années 80. Oui. Avec des boules qui se détachent lentement comme ouais. ça d'une masse. Oui. Ou une goutte d'eau qui se sépare. Ouais. Mais là, la goutte d'eau est inversée. Oui, qui monte vers le ciel. Oui, oui. Il y a donc un élément vraiment d'élévation. Puis, c'est quand même quelque chose qui est récurrent dans tes œuvres, cette espèce d'élévation ouais. un peu vers l'air, ouais. vers l'espace. Mais tu t'exploites le côté aérien beaucoup dans ta pratique. Oui, c'est vrai, beaucoup, oui. Avec ce jeu entre les espaces vides, les espaces pleins. Oui, c'est pour moi une façon d'illustrer ou de faire penser, de faire croire à la gravité. C'est de faire croire que c'est pas si lourd que ça, c'est que ça se... Qu'on peut la déjouer? Oui, absolument. C'est ça, déjouer la gravité. Je m'amuse avec la perception qu'on peut avoir de ces objets-là. Oui, parce que parfois, il y a des débalancements, des décentrements qui font que quand on se retrouve devant une œuvre verticale par rapport à notre corps, ouais. On penche. Oui, il y a une précarité dans l'équilibre. Mm-hmm, ouais. mm-hmm. Apparente, parce que finalement, c'est très, très, très solide, toujours. Ça se doit de l'être. Mais de donner l'impression que c'est sur le point de... soit de s'envoler, ou de tomber, ou de... Mais je m'amuse beaucoup avec ça, moi. Ouais. Et on parle de précarité dans l'équilibre, ce qui mène au sujet dont je voulais te parler aujourd'hui, Jean-Pierre. Bon, on est arrivé là à la mi-mars, à un événement qui a tout arrêté. Oui. Pour un artiste comme toi qui est très productif, qu'est-ce que c'est venu changer ici à l'atelier cette pandémie? Finalement, très peu de choses. Parce que, de toute façon, ma vie se passe... Je suis soit chez moi ou à l'atelier. Mais la grande majorité du temps, je suis à l'atelier. 7 jours par semaine, pratiquement. C'est un mode de vie. Oui, oui. J'aime être à l'atelier. Je m'y sens bien. Tout à l'heure, je parlais que quand j'entrais ici le matin, je n'ouvrais pas tout de suite les lumières. Je prenais quelques minutes pour m'imprégner. Je sens que j'entre dans un lieu particulier. C'est pas une cathédrale, mais il y a quelque chose de un peu sacré à l'atelier. Puis je pense que ça doit sûrement être la même chose pour tous les artistes. Puis c'est aussi... une façon pour moi d'avoir un certain recul sur le travail sur lequel je travaille présentement là, ben, au moment où ça se produit, c'est que je suis parti vers à la fin de la journée précédente et j'ai fait une certaine somme de travail. Le lendemain, j'ouvre la porte et je regarde ce que j'ai fait la veille. Et puis, ça me permet d'avoir du recul. J'ai un autre regard sur ce que j'ai quitté la veille. Puis, c'est souvent là que j'ai la réponse, est-ce que ça fonctionne ou pas. Mm-hmm. Donc, les allées et venues font vraiment partie intégrante du processus de réflexion, de recherche-création. Oui, c'est comme d'essayer de prendre par surprise l'objet sur lequel j'ai travaillé. J'enseigne depuis plusieurs années et puis souvent, quand je vois que mes étudiants sont comme un peu empêtrés dans leur recherche et ils en ont comme plein les bras et par-dessus la tête, là je leur dis bon, mais prends une pause, sors de la classe, sors de l'atelier, puis prends quelques instants, quelques minutes, puis entre à nouveau dans l'atelier, puis regarde ce que tu as fait. C'est une façon... pour moi, c'est toujours important de qu'on ait comme un regard renouvelé sur notre travail, sur ce qu'on fait. Parce que souvent, on est tellement concentré sur ce qu'on fait, et on a tellement une perception mentale de ce qu'on veut faire, et on risque de passer à côté d'un accident, de quelque chose qu'on n'a pas prévu. Moi, c'est de cette façon-là que je fonctionne depuis très, très longtemps. Donc, un cycle d'action, d'observation. My only friend has disappeared into the night without even an explanation as to why. And it feels like a cloud of smoke has been pulled over my eyes. Well, it's almost spring, and you can tell that very soon the air will ring of pretty birds singing in tune. But the song playing in my heart is a lonely lullaby, and I'd like to forget her, but she was my my muse, my savior. You know that I really don't know for sure who I'll be without her. Up and leave. Now I'm all alone. The sold house ain't no home. What times we had, my darling. Moi, j'en ai profité. J'ai profité de la période de confinement pour faire des sculptures. Bon, en fait, j'avais pas de clients, j'avais pas de commandes. Dans le cas d'une sculpture en particulier, qui c'est une grande pièce qui a peut-être un peu plus de 9 pieds de hauteur, et c'est toujours avec des cubes de 4 pouces par 4 pouces en aluminium. Il y en a 296. C'est un grand compte. Si j'ai fait cette pièce-là, c'est beaucoup parce que depuis peut-être les 20 dernières années, j'aurais souvent eu l'opportunité d'exposer des œuvres dans des événements éphémères, dans des parcs de sculptures, des jardins de sculptures, pour une période de 3, 4, 5, 6 mois. Mm-hmm. Mais j'avais jamais de sculpture de dimension suffisamment importante pour pouvoir participer à ces expositions-là. Donc là, j'en ai fait une. Et c'est à ça qu'elle est destinée, c'est de participer à des événements. En fait, au départ, je voulais que cette pièce-là mesure environ entre 12 et 15 pieds. Mm-hmm. Mais à cause du procédé de fabrication, à un moment donné, c'est devenu comme impossible. Parce que ça aurait été d'abord trop lourd. Mais c'est beaucoup dû au fait que c'était plus possible d'aller plus loin. Donc, c'est les limites du médium. Oui, ouais. Le procédé. Oui, les limites du procédé. Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir des œuvres comme ça où le résultat final est défini par les limites du procédé, du médium, du... Pas très souvent, non? Mais ça arrive. Et le fait que ce soit pas une commande, mm-hmm. Il y a une souplesse. Il y a une souplesse, fait que j'ai dit bon ben quand j'ai vu que ça fonctionnait bien à la dimension que j'avais atteinte, j'ai dit bon c'est correct comme ça, j'irai pas plus loin. Et là, on parle de déconfinement, l'été arrive, et si on veut voir des œuvres de Jean-Pierre Morin à l'extérieur, à Québec, on en a quand même plusieurs. Oui. On peut aller faire un tour de vélo sur la promenade Champlain. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette œuvre qu'on voit sur la promenade Champlain? C'est une sphère tronquée. En fait, c'est un polyèdre convexe irrégulier tronqué. Merci. Ouais. Donc 2008, j'imagine. Non, c'est plus vieux que ça. Mais elle a été installée en 2008. Oui, elle a été installée. En fait, c'est une œuvre que j'ai réalisée en 97. Ok, donc dans les débuts de ta carrière en art public, là. Ça faisait déjà quelques années que j'étais actif, mais c'est à mon arrivée à Québec, parce que j'étais à Montréal avant. C'est une sculpture qui a été installée entre le Centre des congrès et l'hôtel Hilton. C'est un lieu qui s'appelle la promenade des Jardins. Oui. Ils ont finalement donné la sculpture à la Commission de la Capitale nationale. Mm-hmm. Ouais. Donc c'est la collection de la Commission de la Capitale nationale. Et si on veut aller faire un petit barbecue, parce qu'il y a le parc près du centre de foire de Québec où on autorise les barbecues maintenant, et il y a une de tes œuvres aussi devant le centre de foire. Oui. Oui, c'est la même année, 97 aussi. Oui. Ouais. Donc on est dans les dans la même année, mais c'est des formes qui sont quand même très très différentes là. Oui. Si tu vois la maquette, elle est là la maquette. Oui. Donc on parlait tout à l'heure de cette exploration du côté plus aérien dans ta pratique. On la retrouve dans cette œuvre là. Oui, absolument. Une élévation. Oui. Et il y a l'aspect élévation, mais aussi, je me souviens pas combien il y a de branches, si tu veux, mais elles sont faites un petit peu comme sur l'idée des clés de voûte. Ah, oui! Tu vois, tout ce bord, là. Ouais. Tout vient se joindre au centre, mais il y a un petit chaos quand même qui fait que ça se joint pas. Ouais. Et donc là, je cherche dans ma tête un autre endroit où on peut trouver une de tes sculptures à Québec. Devant le siège de l'assurance automobile? Oui, tout à fait. Donc juste tout près de ton atelier. Oui. Tu dois passer devant tous les jours. Je passe devant tous les jours. C'est ça, c'est tout près de c'est entre l'atelier et la maison, dans ton cycle quotidien. Ouais. Comment elle habite ton quotidien, cette œuvre-là? Ah oh, mon Dieu, je détourne le regard à chaque fois. Comme un musicien qui veut écouter son album. Oui, sûrement. Ouais. Non, je suis pas très fan de moi-même là, mm-hmm. mais je la vois trop souvent. Puis en fait, je vois toutes les choses que j'aurais pu faire différemment. Oui, mais c'est agaçant. C'est d'avoir un côté critique, ça nous amène à être meilleurs. Ouais. Mais oui, quand on fait des choses permanentes comme ça, bon, on se retrouve à. Ah oui, elle est là depuis 91. 91. Ouais. Donc ça, c'était dans le 1% aussi? Oui, c'était 1%, ouais. Et là, on n'est pas dans l'aluminium, on n'est pas dans une matière qui est grise, là. Non, c'est du bronze. Oui. Et c'est du bronze naval et c'est une colonne en bronze et il y a une feuille en acier inoxydable. Donc, il y a quelque chose de plus figuratif. Dans le début de ta carrière, j'ai l'impression qu'il y avait plus d'éléments figuratifs, justement, végétaux, comme ça? Oui, ben il faut se rappeler que il y a eu une époque où c'était... on parlait de la nouvelle figuration. Oui, oui. Donc, c'était en plein dans cette époque-là. Oui, 80-90. Oui, oui. Donc, c'était quand même... Oui, c'est ça. On rejetait un peu l'abstrait pour revenir à une certaine figuration. Absolument. Et puis... fin des années, milieu des années 80, en fait début des années 80, je faisais dans la nouvelle figuration, mais je faisais des sculptures qui ressemblaient beaucoup, qui s'inspiraient du feu. Mmh. J'ai une série de pièces où ce qu'on peut voir, ce sont des flammes. Et puis pourquoi les flammes, Jean-Pierre Morin? C'est un petit peu un clin d'œil. C'est que l'outil principal que j'utilisais, c'est un chalumeau. Donc, un côté de auto-réflexif sur la matière, puis de référer à sa propre matière, ouais, à son propre métier, ouais. Au processus. Oui. J'ai fait en 86 une série de sculptures où on voit, c'est une forme un peu en serpentin et avec un petit peu plus. Une petite distance de cette forme-là, des flammes, une sculpture qui représente des flammes. Comme s'il y avait une continuité sous le sol? Non. Non, pas du tout. Non. Mais c'était le vent qui soufflait sur une flamme. Qu'est-ce que c'est? C'était mon chalumeau. C'était. C'était pas très théorique comme réflexion, mais c'était. C'est un petit peu un clin d'œil que je me faisais. Mais je ne disais pas que c'était mon chalumeau. Mais là, on vient de l'apprendre, là, ouais, à la radio. Oui, c'est ça. Elle. Mais le titre, c'était une des deux pièces, là, la plus grande, c'était Vent. C'est comme le vent qui souffle sur une flamme. Et on la retrouve où cette pièce-là? Maintenant, elle est partie au Musée d'art contemporain de Montréal. Et ils l'ont prêté à un hôpital à Montréal. Elle est un hôpital qui est dans l'est de Montréal. Je me souviens pas lequel. J'ai pas vu la pièce installée à cet endroit-là. Bon, on va faire nos recherches. Puis on va. Mais c'est quand même. Donc il y a vraiment eu un début qui était plus de la figuration. Et puis là, ta pratique est très formel, mais il y a toujours de l'évocation de ces éléments naturels. On parlait de trombe et de la goutte. On parlait de ton observation de la vapeur d'eau qui s'échappe d'une fumée. Il y a toujours un fond de d'attacher à un référent qui est réel. Oui, absolument. Oui. Oui. Mais c'est pas, je dirais que c'est pas constant. Je ne représente pas toujours, ou je ne m'appuie pas toujours sur quelque chose qui peut être référencié. Ce que je fais, comme si on regarde ma dernière production avec des cubes, c'est pas, c'est très géométrique finalement. Oui. Ce sont des cônes, mais. Des cônes ou des couronnes. Et les couronnes sont des parties de cônes. Donc là, on est vraiment plus dans l'autoréférentiel. Et, Mais si tu vois, si tu regardes derrière toi, il y a plein de maquettes où la forme générale, ce sont des cônes. Oui, donc il y a vraiment un élément qui est récurrent dans ta pratique des dernières années, oui. Ce cône-là qui revient toujours. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inversion, justement, de ces formes de trombes que tu as explorées beaucoup aussi? En fait, pour moi, c'était une façon d'élever... Tu parlais tout à l'heure d'ascension. Mm-hmm. C'est pour moi une façon de marquer ou d'atteindre cet aspect d'ascension. Et puis c'est intéressant parce que on a aussi discuté un peu de ce cycle quotidien que tu insères dans ta pratique, mais aussi de ce rapport quasi spirituel que tu entretiens avec la pratique artistique. Et là, on parle d'ascension à plusieurs reprises au cours de l'entrevue. Est-ce que ça en fait partie? Puis là, on parle pas du bon Dieu, on parle pas d'aller aux cieux, mais est-ce que tu crois, toi, que peut-être que ça en fait partie? Probablement. D'élever l'âme? Oui, mais en fait, c'est le travail, une pratique artistique, c'est d'abord et avant tout ça. Hein? Mm-hmm. C'est que c'est un travail de recherche qui est tellement poussé que on n'a pas d'autre choix que de suivre la spirale dans laquelle on s'est engagé. Que ce soit spirituel ou c'est même pas important, c'est juste que c'est un travail sur soi qu'on fait, puis Puis c'est quelque chose de plus grand que soi dans lequel on... Ouais, Ouais. On se laisse aussi prendre. Ouais. Absolument, absolument. Ben, merci beaucoup, Jean-Pierre Morin, d'avoir partagé une incursion comme ça dans ton univers, dans ton atelier, dans ta réflexion sur ta production. Ça me fait plaisir, Jean-Pierre. Et on prend une courte pause. Some people need to kiss the whole world just to convince themselves that somebody still cares. With no happy end in view, despair is nothing new. Would you rather lose in a winner's world? I believe I'll be okay again. I know I'll do the right thing then. Oh, it's hard to see how, looking at me now, I'll be okay somehow. Some people want to watch the world burn just to convince themselves that we're all dead inside. With no happy end in view, despair is nothing new. Would you rather lose in a winner's world? I believe I'll be okay again. I know I'll do the right thing then. Ooh, it's hard to see how, looking at me now, I'll be okay somehow. I believe I'll be okay again. Alors, c'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Comme à chaque semaine, on vous invite à rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale.wordpress.com. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi. On a repris possession de notre compte Instagram récemment, plein de petites photos en story aussi, on vous partage des pièces musicales, la playlist dont je parlais en début d'émission. Ça vaut la peine de nous suivre. Puis sur Facebook. Nous sommes plus actives que jamais. Oui, merci confinement. Puis ben merci Jean-Tienne La France de prêter au jeu de l'enregistrement avec moi et surtout de tout ton travail en post-production parce que il faut le dire, d'habitude on est en studio, on fait ça, bing bang, c'est fait. On a beaucoup de plaisir, on a encore beaucoup de plaisir. Mais il y a beaucoup de travail qui est mis derrière les enregistrements pour pouvoir vous rendre nos superbes émissions. Ben merci à toi, Myriam Leland, justement rendre nos médias sociaux plus proactifs que jamais. j'ai une petite pensée pour Jacques Gignac à la maison, oui. Donc j'aimerais le saluer. On s'ennuie. S'il nous entend, donc c'est lui qui nous accompagne en studio habituellement chaque semaine. Et là, ben on commence à s'ennuyer de lui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oui. Et on aimerait remercier, bien sûr. Plus spécifiquement de CKRL, Jessica et Simon, qui nous aident beaucoup dans le processus d'enregistrement et de mise en onde de l'émission. Bien sûr, on remercie aussi Jean-Pierre Morin qui s'est prêté au jeu de l'entrevue avec toi. Et c'est ainsi que se termine l'émission. On vous remercie à la maison et on se revoit la semaine prochaine. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Petit, petit papillon. Petit, petit papillon, comme le temps est long. Vous écoutez CKRL 89.1. Vous êtes artiste et vous vous sentez isolé, privé de spectacles et de public pendant le confinement? CKRL veut vous entendre.